À l'occasion du 64e anniversaire de la grande victoire dans la guerre de libération de la patrie, le journal pakistanais Election Times a inséré un article sous le titre « La tradition de la victoire de la République populaire démocratique de Corée est sans secret ». L'auteur a présenté en détail la fière tradition de la victoire coréenne créée par le président Kim Il-sung et continuée à merveille par le général Kim Jong-il. Il a souligné « Les forces hostiles, notamment les États-Unis, concentrent toutes leurs forces pour supprimer la Corée, mais le peuple coréen construit successivement des édifices merveilleux sous la conduite du dirigeant suprême Kim Jong-un. Le secret de la victoire coréenne réside tout d'abord à la direction du leader éminent et ensuite à la force du peuple. »